3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey, hey, hey, oh, oh, oh, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, mais qu'est-ce qu'on voit, dites donc, il y a un petit peu de changement sur cette émission, parce que oui, c'est pas une émission pour une semaine, c'est une émission pour deux semaines, et pour m'accompagner, j'ai besoin non pas de un accompagnateur, mais deux accompagnateurs, et vous les connaissez, vous les reconnaissez, ou vous allez apprendre un peu plus à les connaître si vous ne les connaissez pas déjà, ce qui est pas normal. Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois, comment vas-tu en cette période de fête de Noël, de fête de fin d'année? Ça va, je pense un peu covidé, mais ça va. Ah, bah alors ouais. Alors, y aller doucement sur les chocolats, la dinde au marron et compagnie. Ouais, c'est dommage, ça. Dommage. Et bah, si toi, t'es peut-être un petit peu malade covidé, heureusement, la visio nous permet de ne pas profiter de tes microbes, mais de ton expertise tout de même. Et on est accompagné pour cette émission un peu exceptionnelle, un peu spéciale, par Chapi. Vous le connaissez, vous l'avez entendu, vous l'avez déjà vu sur une émission précédente en début de saison où on parlait de Knicks Together. Et ben, pour ces fêtes de Noël, pour ces fêtes de fin d'année, sur l'épisode 108 de Avid Knicks Week, on est ensemble, on est together, on est avec Chapi, a.k.a. Baudouin, ou Baudouin, a.k.a. Chapi. Bref, t'es avec nous. Chapi, comment tu vas? En meilleure forme que Seb? En meilleure forme générale que Seb. Un petit souci de, tu vois, de main, mais on est là. Ça ne nous empêche pas de parler des Knicks et de suivre cette saison, donc tout va bien. Eh bien, on va essayer de suivre ça ensemble. On va parler de ça ensemble. Comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à se dire. Alors, on lance la rétrospective de la semaine dernière. Et puis, on se projettera ensuite sur ce qui va se présenter aux Knicks pour ces deux semaines, bah oui, deux semaines. Et puis, quelque chose me dit qu'il y a des petites annonces, des belles annonces, et aussi peut-être un cadeau. Alors, restez jusqu'à la fin de l'émission si vous voulez en savoir plus, parce que c'est Noël et on va vous régaler. Allez, c'est parti, on regarde le rétrospectif de la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Et on commence de la meilleure des façons possibles avec un titre de champion. Oui, oui, oui. Un titre de champion des Knicks. Comment ça? Bah ouais. Heureusement qu'il y a l'équipe de G-League. Parce que pas plus tard que dans la nuit de dimanche à lundi, ça y est, les Knicks ont été sacrés champions d'une sorte de cup. J'avoue, je suis moins la G-League. Mais c'est le Winter Showcase. Waouh. Tout un nom. Tout un programme. Il n'y a pas trop encore de sponsors comme pour la cup sur le Winter Showcase. Mais les Knicks sont champions. Pas comme Dadier, Ariel Hucporti, Tyler Colec. Oui, oui, Tyler Colec, MVP de cette coupe. De ce trophée de mi-saison pour les Westchester Knicks qui ont été également champions avec Landry Shamet, on va en reparler tout à l'heure. Bref, un titre de champion, bah voilà, ça se prend, ça fait plaisir. L'équipe B finalement peut briller aussi, peut s'illustrer et c'est bon pour le moral. Est-ce que ça sera signe d'un vecteur, d'un comment dire, une réserve de talent pour l'équipe A, pour les grands, pour les Knicks, les vrais Knicks, les New York Knicks? On verra, mais bon. En tout cas, un titre de champion, ça se célèbre, n'est-ce pas, les amis? Ben en plus, Seb, ils sont en back-to-back, ils l'ont gagné, ça, l'année dernière. Ils l'avaient déjà gagné l'année dernière? Ah ouais, ce trophée, ouais. Tu vois, à quel point ça t'avait passionné. Moi, je rajouterais un nom à tout ça. Il l'avait remporté l'année dernière. Ouais, bon, ben, écoute, oui, c'est une sorte de cup, je crois, de la NCAA. Bon, après, c'est compliqué de suivre la NCAA. C'est pas facile d'arriver à avoir quoi que ce soit. Veillez, J. Warren. TJ Warren, ouais. Hop. Ah, on a un petit problème de micro avec Chapi, mais tu nous parles de TJ Warren. Oui, TJ Warren qui avait aussi rejoint les rangs des Westchester Knicks. Toujours du mal à dire Westchester. Westchester. Hein. Si vous voulez travailler votre diction et tout, dites plusieurs fois par jour le matin. Mais en face, ils affrontaient... ce joueur, je l'aime bien. En face, ils affrontaient les Sioux Falls et il y a Nasir Little notamment. Vous entendez. Bon, après cette petite interruption pour problème technique, on a réglé le micro de Chapi. Chapi, tu nous parlais de TJ Warren. Qu'est-ce que tu veux nous raconter sur l'ami TJ? Ben, moi, je le vois bien comme un joueur à surveiller pour la fin de saison. En sortie de banc, je pense que c'est un joueur qui pourrait éventuellement apporter du scoring. Donc à surveiller si on a des blessures. C'est un nom que j'ai coché et que je surveille de très près. Il n'est pas encore sous contrat officiellement Knicks. Il était contrat G League pour sûr. Là où Landry Shamet, lui, on va en parler. On parlera de Landry Shamet après. Mais Landry Shamet avait un autre type de contrat. On avait parlé des performances de TJ Warren il y a quelques temps, parce qu'effectivement, il s'était illustré en G League. Et beaucoup de joueurs s'illustrent en G League. Hein. Même Jacob Toppin s'illustre en G League avec parfois des belles lignes de stats. Mais un TJ Warren qui avait un peu plus d'expérience NBA, en tout cas sérieuse, et qui était surtout sur un retour à la compétition après pas mal de pépins de santé qui l'ont tenu écarté des parquets NBA. Donc c'est bon signe, en tout cas pour lui, de retrouver un peu de jeu, un peu de compétition. De là à le voir briller sur des parquets NBA, le chemin est peut-être encore un peu long. Et si c'est pas au Knicks, ça sera peut-être par d'autres équipes qui auront besoin de ce type de joueur en sortie de banc. Un joueur de rotation, ça c'est certain, on est loin du TJ Warren qui pouvait briller avec les Pacers. C'était quoi? C'était à l'époque de la bulle, hein, il me semble, à Orlando. Oui. Le parcours d'un joueur, d'un athlète NBA est parfois semé d'embûches et les blessures, il y en a un paquet et lui, il a pris sa dose. Donc à voir, moi, affaire à suivre. Moi je suis moins certain que... Ouais, t'avais pas été emballé par TJ. Non, je suis pas emballé, mais je suis pas certain qu'il intègre... Qu'il intègre à un moment donné les Knicks, parce qu'il a fait partie dès le départ du projet, puisque même en pré-saison, il a joué un peu. Et pour le coup, que quand on a eu un peu ce problème Shamet, on n'a pas fait appel à lui, on est allé chercher Matt Ryan qui déjà était en phase de truc. Donc je suis pas certain que DJ Warren, on le voit à un moment donné, même si on est à nouveau soumis à des blessures. C'est surtout le fait qu'on n'ait pas fait appel à lui, qu'on soit allé chercher un Matt Ryan, en fait. C'est ça qui me fait dire que tu crois peu. Ouais. Peu. Non. Bon, Matt Ryan, on parlera un petit peu après. Moi, après avoir célébré ses champions, hein, on les félicite pour ce titre. Et puis Tyler Collect, premier titre de MVP. On ne sait pas s'il en aura d'autres, hein. Ça risque d'être compliqué s'il intègre la NBA d'aller postuler pour des titres de MVP, mais en tout cas une belle prestation de leur part, et ils ont fait briller les Corollans. Tu vois le joueur que c'était quand même, TJ Warren, avant sa blessure. Ouais, le pauvre. Il y a un avant et un après. Ah ouais, ça l'a flingué, quoi. Bon, des champions, mais aussi des soirées pour célébrer tout ça, et en l'occurrence... Vous avez vu passer ça sur nos réseaux le week-end dernier, la KNF Viewing Party de Christmas, le Xmas, le Christmas des Games face aux Spurs en ouverture de la soirée marathon des matchs de Noël. Eh bien, on aura l'honneur de pouvoir vous proposer tout ça avec l'association avec nos amis des Spurs Nation France au Halls Beer Tavern. Bon, ça, c'est un nom aussi à retenir. C'est pas plus tard que mercredi à partir de 17h30 qu'on vous attendra pour vous accueillir et passer un bon moment en fin de soirée de Noël autour d'un bon match NBA avec notre partenaire Fanzo également qui nous permet, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre au Halls Beer Tavern, wow, eh bien pourquoi pas aller faire un tour sur Fanzo, une application, un site internet qui vous référence tous les sports bars qui permettent de diffuser différents matchs, que ce soit du foot, de la NBA ou quel autre sport vous intéresse. Voilà, allez faire un tour sur cette plateforme, et si vous n'avez pas la possibilité de nous rejoindre, il y a sûrement un lieu proche de chez vous pour pouvoir vous accueillir voir tout simplement ces rencontres sportives. Ça, c'est pour Christmas, Noël, comme on dit chez nous. Et pour la nouvelle année, on aura déjà un rendez-vous à noter dans vos agendas. Ça sera le samedi ou dimanche. Ouh, j'ai un doute. Enfin bref, ça sera le 12 janvier. Et ça sera face aux Milwaukee Bucks. Là, on retrouvera notre QG habituel du Out Paris Gare du Nord pour une nouvelle soirée. Donc deux soirées en peu de temps. Vous avez de quoi noter ça sur vos agendas et on sera très heureux de vous accueillir et de vous retrouver mercredi, en tout cas mercredi 25, pour le Christmas des Games. Des pulls moches de Noël si vous avez envie, des beaux bonnets si vous avez envie. Je vous rappelle qu'il y a un petit cadeau à vous faire gagner, un jeu peut-être, oui, en fin d'émission, donc on reste à l'affût. On a parlé d'un certain Matt Ryan, on a parlé d'un TJ Warren, mais on a surtout... peut parler, et on va falloir qu'on en parle un petit peu plus, de Landry Shamet. Ça y est, il fait son retour. On avait eu quelques échos comme quoi il était de retour de blessure, il était en bonne voie sur sa rééducation. Ça y est, c'est officiel, la Shams bombe est tombée. Matt Ryan, oh, Matt Ryan s'en va, oui, il est coupé. Est-ce qu'il réintégrera l'équipe de G-League? Je sais pas. Ils disent que normalement, ils devraient lui faire signer un two-way. Ouais, d'accord. Bah écoute, bonne chance à toi, Ryan, Matt, de ton prénom. Et bon, welcome back pour Landry Shamet. On l'avait vu un petit peu, on l'avait vu en tout cas en pré-saison. Là, ça y est, il fait son retour. Donc, sa blessure à l'épaule était moins grave que celle de qui a tenu écarté Julius Randle des parquets pendant plusieurs mois. Hein. C'est à peu près le même type de blessure, mais visiblement, la mécanique dans le corps humain n'est pas tout à fait la même pour notre ami Landry Shamet. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour, Seb et Chapi? Chapi, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu penses de Landry Shamet? Tu penses qu'il peut gratter quelques minutes dans la rotation de type? Et auquel cas, à qui pourrait-il prendre ces minutes? Un rôle en sortie de banc, j'imagine. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu te projettes vis-à-vis de Landry Shamet? Bah, j'espère qu'il aura quelques minutes, personnellement, parce que je trouve que pour l'instant nos rotations sont quand même relativement serrées. J'y vois aussi une connexion avec Cam Payne et Mikal Bridges. Ils ont déjà joué ensemble, ça peut aussi faciliter son intégration. Maintenant, je pense pas qu'il faut s'attendre à le voir avoir beaucoup de minutes dès son retour. Mais voilà, pour faire souffler un petit peu Mikal, notamment, qui dépasse très très souvent les 40 minutes, je pense que ça peut être une bonne idée de voir un peu ce qu'il a dans le ventre pour la fin de saison. Donc j'espère, maintenant c'est mon avis, Tibbs nous fera peut-être autre chose, mais voilà, une petite dizaine de minutes pour que Mikal puisse aussi souffler et continuer sa belle série de 501 ou 502 matchs de suite, ça me plairait bien. Et toi Seb, t'es de la vie de Chapi ou tu penses que c'est mort? Non, je pense qu'il aura le même rôle que peut avoir Campaign. Ouais. C'est-à-dire assez limité mais sûr. Campaign, tu sais que il débute le deuxième et il débute le quatrième. Avec environ à chaque fois 5-6 minutes de jeu à chaque pour reposer un Brunson. Et si on est en blowout, ben, il reste sur le terrain et puis il joue le reste. Donc je pense que ce sera la même chose. Et en effet, je suis d'accord. Je pense que ça sera sur une rotation entre Mikal et Josh Hart. De toute façon, cette équipe, vu comment elle est, tu peux faire plusieurs combinaisons, quoi. Donc On est plutôt sur un profil d'arrière. Petit ailier vis-à-vis de Landry Shamet. En pré-saison, on le voyait un peu prendre ce poste 3 des fois, en combinaison avec Payne et Deuce McBride, parce qu'il ne faut pas oublier Deuce, qui est plutôt aujourd'hui le backup entre guillemets officiel de Mikal, même si quand Deuce rentre, Mikal sort pas forcément, mais décale Mikal en 3. Quoi. Donc on risque d'avoir un petit peu ce genre de combinaison. Et effectivement, vous l'avez souligné, aujourd'hui, le joueur qui a le plus gros temps de jeu au Knicks, c'est Mikal Bridges. Alors tant mieux, il peut performer, il est utile sur différents poste, mais voilà, la saison est longue, il joue beaucoup de matchs, il n'a pas pris un match de repos depuis le lycée, donc on ne demande pas à ce que sa série s'interrompe, mais en tout cas, le faire souffler un petit peu plus, et puis apporter un peu de scoring en sortie de banc, parce que c'est ça qu'on va attendre de la part de Landry Shamet. Il a un bon petit coup de poignet qui permet parfois de positionner un petit peu de petites bombinettes à 3 points, donc voilà, là où des soirs, Deuce est peut-être moins en réussite, ça peut être une alternative, mais faut pas s'attendre à un gros temps de jeu, 5-10 minutes, et puis peut-être de façon un peu progressive aussi par rapport à sa blessure et son retour à la compétition. Mais en tout cas, c'est bien de pouvoir compter ce joueur sur lequel bah, les Knicks visiblement comptaient, puisqu'ils lui ont gardé une place, un contrat possible. On aurait pu s'attendre à ce que l'équipe le coupe à l'annonce de sa blessure et n'attende pas et aille chercher quelqu'un d'autre. Et ben non, ils continuent d'y croire, à voir si en tout cas ils auront raison, mais en tout cas c'est un retour qui peut pas faire de mal. Ils ont un vrai projet pour lui. Pour avoir fait ça, c'est que il le voit. Puis de toute façon, il ferait pas ça si ils étaient pas en accord avec le coach aussi, quoi. Donc Puis le coach l'a fait jouer en pré-saison. Ouais. Reste que de la pré-saison, mais c'était une façon de le tester aussi. Et il avait un temps de jeu qui était assez conséquent pour de la pré-saison. Non, mais c'est vrai que pour le coup, ils ont un vrai projet le concernant, quoi. Donc, Autant le business de la NBA est des fois un peu impardonnable, intraitable. On l'a vu sur Julius Randle, la façon dont le trade s'est passé. Là, visiblement, ils avaient quand même une attente vis-à-vis de Landry. Donc, à voir. Est-ce qu'il jouera ce soir? On verra. Peut-être un blow. Un profil aussi qui plaît à Tibbs, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut rentrer dans la rotation tout de suite. Donc, j'imagine que ça serait très surprenant de le voir cirer le banc et de ne pas avoir 2 minutes. Ouais, Et puis après, On est c'est un pas mec. sur un profil rookie, quoi. Et puis après, ouais, puis c'est un mec aussi qui a côtoyé Mikal Bridges comme Payne Ouais, ce que X. disait Chappie à Phoenix, ouais. Ouais. Donc, ça permet de trouver des automatismes et de s'intégrer plus facilement. Donc voilà, en tout cas, on est content de le retrouver. Bon, est-ce qu'on sera content de retrouver le All-Star Game? Ça, c'est une autre question. En tout cas, vous l'avez vu, ça y est, la campagne pour les votes est ouverte depuis quelques jours maintenant, depuis la semaine dernière. Vous le savez, il y a certains jours, on peut voter, ça compte double, ça compte triple. De toute façon, il y a tout un tas de joueurs à New York pour lesquels on a envie de voter. J'espère que vous deux, hein, vous deux, Chappie et Choubix, vous avez déjà commencé à voter. En tout cas, vous pouvez le faire tous les jours. Et voilà, c'est avant tout un concours de popularité. C'est ce qu'on rappelle Oui, à chaque yes. saison. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs joueurs. Les Miss France. Ça, c'est un peu Non. les Miss France. Ah oui. Bah après, tu sais, moi, c'est paradoxal. Moi, je vote, mais cette année, je ne regarderai pas. Mais parce que c'est bon. Avant, c'était mon petit bonheur. Il y avait deux rendez-vous que j'avais dans la saison. C'était la draft et les All-Stars. Tu vois, Oui, c'était. parce que comme les Knicks faisaient pas les playoffs, bon. Non, mais tu vois, la draft, c'est vrai que ça m'a toujours. J'ai toujours adoré ça. Mais vu ce qui est devenu, en fait, le All-Star Game, et clairement, c'est. Enfin, moi, ça m'intéresse pas des masses de voir du circus basket, quoi. Autant, dans ces cas-là, aller voir un show des Harlem Globetrotters. Donc, cette année, je vais voter parce que, voilà, c'est quand même bien que nos joueurs C'est un soient reconnus. devoir de citoyen. Voilà, On fait devoir de partie de la fan. nation Knicks, donc voilà, on est Mais impliqué dans le devoir citoyen. après, d'ailleurs, je vais pas regarder. Et puis, je vais pas me prendre la tête en me disant, ah, oh, lui, et lui. Je vois qu'il y a suffisamment de débats sur Internet. Ah, oh, lui, et lui. Et toi, t'es Il fou. mériterait Pourquoi tu d'être votes pas All-Star. lui? Mais attends, mais tu regardes pas. Et lui, pourquoi tu es pas lui? Alors moi, je vote que pour les Knicks, même à l'Ouest. Voilà, je vote uniquement pour les Knicks. Et puis, comme ça, au moins, je suis Donc tranquille. tu es dans ta ligne directrice d'un vote populaire et c'est tout à ton honneur. Et toi, Chapi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as commencé à voter déjà Est-ce que tu as Bah oui, regardé j'ai pas pour raté. des Knicks ou d'autres hein? À l'Est, évidemment, Knicks. Et puis après, à l'Ouest, là, sur cette conférence, j'envoie les joueurs que j'estime personnellement enfin, j'aimerais voir dans cette conférence. Donc, après, à l'Est, c'est vrai que 4 mérites, très clairement. Je pense que si on prend de la hauteur et qu'on essaye de faire du hors Knicks, je vois pas ce qui peut empêcher 4 d'être starter au All-Star Wow. Game. Pour Jalen Brunson, évidemment, moi j'ai envie de le voir starter aussi. Maintenant, il y a un peu plus de concurrence à son poste. Mais pour les autres Knicks, il faut pas se leurrer, ça va être très compliqué parce que Non, mais non, non, non, non, très. non, non. Mais pour le fun, voilà, moi je donne aussi quelques voix à nos joueurs pour leur donner de la force. Et puis je trouve qu'on a une fanbase qui doit aussi se réveiller parce que l'année dernière, c'est une déception de ne pas avoir vu Brunson démarrer. Donc cette année, qu'on ait au moins 4 et Brunson peut-être, ce serait Ben, le scénario idéal. vous pensez qu'on va les avoir ces deux All-Stars? Oui. Oui, Et combien de titulaires oui. alors? Un. Un avec Karl-Anthony Towns. Je pense. Ah Est-ce oui, moi, que les ouais, je pense fans aussi. des Est-ce que les fans des Cavs vont pas faire un forcing, un push pour mettre un Mobley? Ouais, mais il faut qu'ils se mobilisent, ils sont 6, hein, donc il faut pas qu'ils lâchent l'affaire, quoi. Donc. Je pense que les statistiques de 4 vont lui permettre d'être starter et Brunson, Petite je pense que ça va paille, être compliqué et qu'il sera sélectionné par les coachs. ouais, c'est plus ça qu'on prétend ou qu'on voit venir. Après, bon, on est d'accord que le All-Star Game, parce qu'il y a un All-Star Weekend avec des concours et des concours qui évoluent. Alors, le All-Star Game cette saison se passe à San Francisco, sur la terre des Warriors. Donc, on devrait y voir du Steph Curry, normalement. Hein, je pense qu'en termes de popularité et le fait qu'il évolue à domicile est toujours à un niveau quand même relativement bon. Hein, le Night-Night, vous vous rappelez. Je pense qu'on va le retrouver. Mais Nuit, voilà, il y a nuit. aussi un peu de changement de génération pour certains. Donc, on verra comment ça se passe. En tout cas, les Knicks sont plutôt crédibles, performants et bien placés en ce moment, en ce début de saison. Dans les hauts de la conférence Est. Est-ce qu'il y aura beaucoup de Celtics? On verra. Est-ce qu'il y aura beaucoup de Cavs? On verra. Il y a de la concurrence, bien sûr. C'est un vote de popularité. Comme tu l'as dit, Chapi, la saison dernière, on avait un peu été choqué sur le manque de mobilisation, finalement, de la fanbase des Knicks. et peut-être même au-delà, parce qu'il faut peut-être sûrement rassembler au-delà de sa simple et unique fanbase pour pouvoir envoyer quelqu'un en tant que starter. On avait vu des votes pour Derrick Rose, par exemple, qui était quand même loin de son niveau All-Star. Mais voilà, ça reste de la popularité, et on avait été un peu déçus sur le retard des votes pris par Jalen Brunson en début, sur les premiers décomptes. Je ne sais pas quand auront lieu les premiers décomptes, c'est souvent aux alentours de Noël, et on s'en approche. Mais au-delà de ces votes de popularité pour envoyer un tel ou pas starter, il y a un changement de formule cette saison. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. On ne va pas être sur un match simple, on va être sur une forme de mini-tournoi avec des équipes de 8 joueurs. Donc ça va être un peu plus délicat de savoir qui joue avec qui. Il y aura un mélange West Coast. Il y aura une draft, des coachs qui ne seront pas finalement les coachs NBA, mais ça sera peut-être des GM en l'occurrence, avec Kenny Smith, Charles Barkley et Shaquille O'Neal. Pourquoi pas? De toute façon, coacher ce genre de rencontre, c'est un grand mot. Des rencontres qui vont se dérouler en match de 40 points. Premier arrivé à 40 se qualifie. Et une finale aussi, et avec une équipe sortant du Rising Star Challenge. Donc voilà, la NBA essaye de trouver des formules pour redonner un intérêt, pour redonner de la compétition. Et il leur file du fric aussi, aux gagnants. Et il leur donne. Voilà, il y a du fric à la clé, parce que tu comprends, ils en gagnent. Il y a de l'argent. Ils en gagnent pas. Il faut savoir quand même que dans leur contrat, il y a des primes à la sélection All-Star. C'est déjà englobé, tu vois, et quand ils négocient leur contrat. Donc là, tu vas leur filer encore. Moi, c'est ça qui me dégoûte, qui m'écœure un petit peu aussi dans ce principe-là. C'est, allez, joue. Tiens, regarde, on te file un peu de fric et tu joues, s'il te plaît. Autant pas jouer, les gars. Et puis, c'est pour ça, moi, je milite pour une distinction comme pour les All-NBA. C'est-à-dire que tu dis, mais bravo, voilà, vous avez été All-Star. On vous désigne le All-Star et puis... je sais pas, ça me gonfle un peu en fait cette histoire. Moi, je te rejoins, je le regarderai pas non plus. Mais la seule petite curiosité que j'aurai le lendemain, quand j'aurai fait une très bonne nuit, puisque je le regarderai pas, mais c'est de voir l'opposition avec les jeunes justement, et voir peut-être est-ce que les vieux briscards qui sont habitués au All-Star Game et qui ne le jouent plus très sérieusement, quand ils vont se retrouver face à la nouvelle génération qui va arriver, est-ce qu'il va pas y avoir aussi cette petite animosité de dire nous on est là, on va vous écraser parce qu'on est les vieux briscards, et puis les jeunes dans leur tête de se dire nous on va le jouer à fond parce qu'on veut vous montrer qu'on est le nouveau visage de la NBA. Donc c'est sur la nouveauté, moi elle m'intéresse pas beaucoup. Par contre, c'est cette petite opposition entre jeunes et anciens qui pourrait être intéressante. Mais moi, je milite pour un retour tout simplement du Est-Ouest, qui était pour moi la meilleure des formules et la plus intéressante avec un vrai match de basket. Après, ce sont les joueurs qui ont les clés. Tu peux faire un Est-Ouest, tu peux faire un Nord-Sud, un Europe-Amérique du Nord. Si les joueurs décident de ne pas vouloir jouer, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est eux qui ont les clés. C'est pour ça que ça me fait marrer quand les joueurs disent « Ah, je sais pas ce qu'il faudrait faire. » Ben en fait, tu joues au basket, mon grand. C'est tout ce qu'on te demande. C'est de jouer au basket, sérieusement. Or oui, on te demande pas de faire un match de play-off. Mais moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'est sûr que les deux, trois premiers quart-temps, ça jouait un peu en dilettante. Mais déjà, milieu du troisième, ça serrait le jeu. Et le quatrième, là, c'était serré. Et maintenant, en fait, c'est la foire à la saucisse, quoi, leur truc. Donc, moi, les joueurs qui se disent « Ah, comment, je sais pas, comment on pourrait faire ?» Ben, mec, c'est pas moi qui est sur le terrain. C'est toi, en fait, tu vois. Ouais. Effectivement, il y a Kevin Durant qui s'est exprimé en disant « Ouais, j'aime pas le format, c'est nul. Il faut revenir à du S-West. » Ouais, mais S-West, au final, si vous jouez pas plus le match, si vous faites un concours à 3 points en prenant des shoots de première intention au milieu de terrain, ça ressemble à rien en fait. Bah oui. Donc la NBA en tout cas essaye de sauver le bébé All-Star. Après, Wembanyama a dit moi si je dois aller au All-Star, je le jouerai sérieusement. Alors quid, est-ce que il contrôlera tout ce qui bouge, ça va gonfler les autres et ça va, tu vois. Il suffit de 3-4 joueurs qui jouent sérieux pour peut-être relancer un truc, tu vois. Après là on va avoir une formule différente avec un mini tournoi. Alors on en a parlé, l'histoire de l'argent pour essayer de leur faire un peu se bouger. Il y aura de l'argent pour tous de toute façon. Oui. Il y aura un petit peu plus d'argent pour ceux qui vont gagner ce tournoi. Mais voilà, c'est histoire de donner un petit peu d'argent de poche pour s'amuser sur le week-end. Donc on est d'accord que ces All-Stars sont déjà grassement payés avec des contrats qu'ils méritent. Et voilà, ils génèrent du business, ils génèrent de l'argent, ils font travailler des gens. Donc ils en ont une contrepartie. Il n'y avait peut-être pas besoin, ou ben pour l'aspect populaire, ça peut paraître un peu exagéré de redonner encore de l'argent pour ça, mais bon, est-ce que ça leur permet de se bouger un peu? Est-ce que cette formule, un peu avec des tournois, va les aider à se bouger? Est-ce que aussi tout le show qu'on veut mettre autour, voilà, c'est pas non plus un match. Déjà, il y avait des coupures, il y avait des temps de pause relativement longs, les joueurs finalement découvrent leurs coéquipiers plus ou moins la veille pour le lendemain. Et des soirées, voilà. Je pense aussi, qui font que les joueurs sont peut-être moins focus sur le basket et que c'est un moment de rencontre avec sponsor, avec tel ou tel autre joueur, et que du coup, les soirées All-Star Game doivent être aussi pas mal. Hein. Le mal est profond vis-à-vis de cet événement. On s'en rappelle, étant gosse, on a découvert la NBA, et puis le All-Star Game, c'était un peu waouh, tout ce rassemblement de stars. Et il y avait du jeu, donc en plus, ça ressemblait à peu près à un match. Là, ces dernières années, c'est vraiment devenu une caricature. C'est devenu un peu honteux. En tant qu'adulte, on se dit ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas, dans le regard d'enfant, est-ce que ça marche encore un peu, cette histoire de All-Star Game, de voir tous ces stars réunis ensemble? Après, déjà, voilà, c'est un monument qui est en péril. Les nouvelles générations connaissent que ça, du All-Star Game. C'est-à-dire ce folklore avec ce basket, cette bouillie de basket qui est donnée. Et bizarrement, ça commence à devenir foireux quand tu as eu LeBron et ainsi de suite. D'après en 2008, les All-Stars en 2005, je crois, 2003, non, quand il est rookie, soit en 2004 ou 2005. Et après, en fait, avant ça, c'était top. Et puis après, le All-Star a commencé à décliner en fait depuis ces années-là. Ça fait depuis 20 ans que le All-Star décline. Je sais pas si je le situerais, le déclin, avec l'arrivée de LeBron. Moi, en tout cas, je vois surtout par rapport à l'usage du 3 points qui fait déjà beaucoup discuter au regard de la saison régulière, du nombre de 3 points que les équipes prennent. Et le All-Star Games en est devenu une caricature à l'extrême, quoi, en fait, quoi. Et il n'y a qu'à regarder les scores qu'on a. Donc limite, peut-être aussi, pourquoi pas faire un All-Star où on enlève la ligne à 3 points et on voit ce que les joueurs peuvent proposer, quoi. Ça pourrait aussi nous changer, parce que finalement, prendre un shoot à 50 mètres, bon, après, on fait du lancer de poids, quoi. C'est basket, quoi. Donc bon, à voir. En tout cas, on va aussi mélanger du Rising Star avec du NBA. Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Chappie là-dessus. Je sais pas. Je pense que ça peut titiller les anciens. Moi, je regarderai en tout cas. Je regarderai. Si les jeunes commencent à prendre 10, 20 points d'avance et que ça commence un peu à charrier, tu vois, ça peut les toucher dans leur ego. Mais écoute, après, c'est pas la plus grosse cuvée de draft non plus qu'on puisse avoir ces dernières années. Donc, ils auront les outils. Ouais, normal. Des sophomores aussi, ça peut être peut-être. Tant que Jalen et tant que Kat sont sélectionnés, exactement. N'oublions pas le reste. On pourra dormir tranquille ce week-end-là pour ceux qui n'ont pas envie de le voir. Les autres regarderont en direct. Et on n'aura pas des scores à 200 points. Tu nous feras un petit résumé, Johnny. Ouais, bien sûr, comme d'habitude. Comptez sur moi. Bon, allez, on a beaucoup parlé du All-Star. Chacun se fera son avis. Est-ce que vous regarderez? Vous regarderez pas? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez regarder les concours? Concours de 3 points, concours de dunk. Est-ce qu'on aura le frangin Topin qui va essayer de prendre sa revanche par rapport à l'année dernière? On n'a pas encore l'annonce des participants aux différents concours. Est-ce qu'on aura Karl Anthony Towns au concours à 3 points? Est-ce qu'ils vont nous laisser le Skill Challenge? Il y a encore des choses à voir autour du All-Star Weekend. D'ici là, n'oubliez pas de voter. Bon, là où on ne va pas voter, c'est pour l'entrée au Hall of Fame. Et c'est souvent un événement qui a lieu un petit peu de façon conjointe avec la période du All-Star Game. Et on a un peu plus d'informations sur les nominés. C'est pas encore ceux qui ont été retenus, attention. Et dans ces nominés, on retrouve 3 anciens Knickerbockers, ou du moins des joueurs qui sont passés rapidement à New York. On parle bien sûr de Carmelo Anthony, on parle bien sûr d'Amar'e Stoudemire et de Billy Donovan. Oui. Une carrière NBA 2, combien ? 44 matchs sur la saison à New York. 87-88. Les seuls matchs NBA qu'il aura fait auront été sous les couleurs des New York Knicks. Et c'est tout pour notre cher Billy. Bien sûr, le Billy ici, il est nommé pour le Hall of Fame. C'est pas par rapport à sa carrière NBA en tant que joueur. Ou alors, elle aurait été vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, je sais pas, le Hall of Famer NBA, le joueur avec le moins de matchs, je sais pas qui est-ce. Mais en tout cas, non, c'est pour son parcours en tant que coach et coach universitaire, couronné de succès notamment avec les Florida Gators, d'un certain Joakim Noah, Al Horford, Ronnie Brewer, qui d'autres, je sais plus, j'en oublie. Ronnie ou Corey Brewer? Ouais, Corey Brewer. Brewer. Corey Brewer. C'était Corey Brewer. Ouais. Ma... Il avait coaché également David Lee, parce qu'il était passé avant la génération Noah. Ouais, juste avant. Bon. Est-ce qu'il sera retenu au final pour le Hall of Fame? On a aussi Mickey Harrison, le président, le fondateur, le propriétaire du Miami Heat. Est-ce que James Dolan un jour aura sa place au Hall of Fame? Je vous le demande. Mais bon, plus sérieusement, Carmelo Anthony, on est d'accord que c'est un Hall of Famer indiscutable ou pas? Bah dans le... Vas-y. Dans le dans, non mais Oui, toi, le Hall of la Fame biche. dans le vu que tu as Mitch Richmond, Tim Hardaway, Tracy McGrady qui y sont, je vois pas pourquoi Karl Anthony Towns, Carmelo Anthony il y est pas. Je veux dire, c'est ça serait totalement normal Versus. qu'il y soit. Donc Il a un CV notamment bien étoffé sur la grille FIBA. ouais. C'est un des meilleurs scoreurs all-time des Knicks, certes, mais de la NBA, faut pas l'oublier. Multiple fois All-Star, bon. Aujourd'hui, le All-Star Game, on l'apprécie différemment. Ça manque de bagues, ça manque de finales, ça manque de succès en playoff. Certes, un record au Madison Square Garden, ça, on s'en rappelle tous, les 62 points. Mais non, il a quand même un CV relativement étoffé sur la touche FIBA pour Non, mais c'est vrai que maintenant, ça prend ne pas aussi. mériter. Le Hall of Fame prend aussi la carrière FIBA. Donc, oui. Après, C'est il a le été. Panthéon du basket et pas le Panthéon de la NBA. Donc, voilà, Et c'est petit ça. détail qui, pour nous, n'est peut-être pas dans nos têtes, mais Carmelo Anthony a été un énorme vecteur de connexion entre une génération et les Knicks. Nous, on a suivi les Knicks avant Carmelo Anthony, donc on a notre avis sur lui. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'adore et que j'ai adoré. Mais je pense que quand on est dans les différentes, enfin, les différentes dates de Space, quand on a pu en discuter, souvent, rappelez-vous, les gens disent: j'ai découvert les Knicks grâce à Carmelo Anthony et c'est lui qui m'a donné envie de les suivre. Donc, Il y a un côté pour tout ça. ambassadeur. Ouais. Et un rôle d'ambassadeur qui, Énormissime là et aussi, au niveau de la FIBA, faut le rappeler qu'il était sur la dernière Coupe du Monde, un acteur qui avait été retenu par la FIBA pour promouvoir le basket international. Donc, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. non. Amare C'est un conflit Stoudemeyer, par d'intérêt. contre. Là-dessous, la réponse, elle est moins franche. Il y a un Autant sur débat quand Melo, même on lui pour trouve Amare. Mais bon, des après, comme je te dis, arguments. sans leur manquer de respect, t'as des mecs, voilà, comme je t'ai dit, comme Mitch Richmond ou Tim Hardaway qui y sont. Enfin, je veux dire. Qui ont ouvert la porte trop largement pour que maintenant beaucoup s'y présentent. Qu'est-ce que Et il puis j'ai fait que. l'impression aussi que chaque saison, il faut y mettre quasiment une dizaine de Hall of Famers. Donc, ouais, c'est ça. C'est de l'une. Je le trouve moins élitiste, le Hall of Fame. Oui. Donc, ouais, Dwight enfin. Howard également, on a Sue Bird, bon, qui mérite largement. Marc Gasol, qui va Après, se Dwight Howard, il a rejoindre. quand même été défenseur de l'année. Il a Oui. été en finale NBA. Il a été impactant avec le Magic. Donc, il a On pas. verra en tout cas qui passera pas le cut, mais voilà, on a au moins deux à trois représentants des Orange and Blue. Ça peut faire une belle petite promotion à la rentrée à Springfield. Bon, on a parlé des anciens, on va parler maintenant rapidement, enfin rapidement, on va prendre le temps de parler des joueurs et des Knickerbockers actuels. Mitchell de rien du tout. Michael Bridges, qui performe en ce moment. Karl Anthony Towns, qui a fait son retour en terre de Minneapolis la semaine dernière. Il a été, bien entendu, accueilli avec sa petite vidéo hommage. On n'en attendait pas moins. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. La semaine dernière, nous n'avions que deux petits matchs à nous mettre sous la dent. Un match à Minnesota, les Wolves. Bon. Seb, on s'est gouré dans notre pronostic. Finalement, les Non. joueurs qui ont pris le match par le bon bout, c'est les New York Knicks et pas les Minnesota Timberwolves. Un match remporté, le score que j'ai défile de 133 à 107. Un bon vieux blowout, hein, on peut Ouais. appeler ça comme ça, hein, un chat, pour un chat. Karl Anthony Towns qui s'est montré à son aise dans la raquette, hein, une bonne petite vingtaine de rebonds. Ça fait plaisir. Et les Knicks, bah, qu'on déroulait une copie plutôt propre. Alors, la rencontre était plutôt bien démarrée côté Wolves, et en l'occurrence avec un certain Julius Randle qui a mis un petit peu les points d'entrée de jeu pour Ouais. pouvoir װ װ װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ tenir le choc. Et puis à partir du deuxième quart-temps, bah, les Knicks ont fait le break, quoi. Et l'attaque des Wolves qui s'est retrouvée assez vite à faune, malgré quand même un peu de talent dans cette équipe. Anthony Edwards, bon, Rudy Gobert, je ne sais pas si on peut parler de talent offensif. Julius Randle qui est rentré dans le rang. McDaniels, bof bof. Bref, les Knicks, on fait un match sérieux, se sont appliqués. Je parle souvent de est-ce que les Knicks ne choisissent pas un peu leur match. Là, sur celui-ci, ils l'avaient clairement coché sur leur calendrier. Et là, on aurait pu peut-être attendre un peu un surplus d'émotion de la part de Karl Anthony Towns. Bah, pas du tout. Hein. Il s'est retrouvé impérial, il a rentré tous ses 3 points. Une copie parfaite sur ce match, les gars, non? Qui veut en parler en premier? Qui a le plus de souvenirs de cette rencontre? Allez, vas-y, Chapi. Eh ben, Chapi. Allez. Non, moi, c'est un match qui m'a beaucoup intéressé des deux côtés du terrain. J'ai trouvé que la circulation de balles était très très intéressante. Ça nous a permis d'avoir beaucoup d'adresse parce que un bon shoot, ça commence par une bonne passe. Et la circulation du ballon était très intéressante. En défense, on a été sérieux. Alors, il y a deux façons de voir la chose. Il y a ceux qui vont vous dire « Oui, bah, Minnesota n'a rien rentré ». Quand tu rentres rien, ça peut être un jour sans, mais c'est aussi qu'on te pousse à ne rien rentrer parce que tu peux être fatigué par rapport à ce qu'on te propose. Et j'ai bien aimé cette défense qui a été proposée et je trouve que c'est un peu le fil rouge depuis quelques matchs. On en parlera sur celui de New Orleans aussi, mais mine de rien, voilà, on défend mieux. Les scores de nos adversaires commencent à chuter et notre net rating défensif il est nettement meilleur. Donc ce match m'a bien plu. Offensivement, copie très intéressante. Adresse à 3 points, adresse au lancer franc, du rebond, on ne s'est pas fait dominer dans ce registre-là. Donc tous les ingrédients étaient présents pour qu'on le mette dans les matchs à garder en tête quand les matchs qui vont compter vont arriver. Donc belle copie, très très belle copie. Et un match, pour faire la transition, et je vais te passer la parole après Seb, où on n'avait pas Josh Hart et on avait Precious Achiuwa dans le 5. Donc on parle de défense, est-ce que là, cette petite présence de Precious, est-ce qu'il jouait poste 4? Oui, plus que poste 5, on est d'accord. Mais avec en rotation un certain Jericho Sims, voilà, est-ce que c'était pas une formule qui marcherait mieux, l'échantillon est petit, on n'a qu'un match, que la formule avec Josh Hart dans le 5? Je sais pas ce que t'en penses, Seb. En tout cas, la défense, elle a répondu présent. Est-ce que c'est que la présence de Precious à côté de 4? Bon, je sais pas. Tu sais pas, après, pas encore convaincu. Après, on a besoin de plus voix. Après Chapi, tu parlais de d'adresse. C'est pas si déconnant que ça, la différence d'adresse. On a shooté à 3 points à 44%, 20 pour 45. Eux, ils ont shooté à 40%, 17 pour 42. Tu vois, c'est pas non plus. Et au tir au global, 50 pour 97. À 51%. Et eux, à 46%, 41 pour 89. Alors oui, il y a une différence. Mais elle n'est pas. Tu vois, il n'y a pas. Ils ont pas non plus. C'est tant manqué d'adresse. Shooter à 40% sur un match NBA à 3 points, c'est propre quand même, tu vois. C'est, non, il y a eu un break, il y a eu un coup de mou pour dans le deuxième quart. Mais après, la défense ouais, est resserrée. La défense est clairement resserrée. Et quand tu envoies un OG sur un Julius Randle, la deuxième mi-temps, Julius, il a vécu un enfer. Parce qu'il y avait OG qui était sur lui, qui ne lâchait pas. On a vu enfin de la bonne défense de Mikal aussi. La bonne défense de Mikal sur Anthony Edwards. Et Anthony Edwards finit avec 17 points. Et je pense que c'est pas anodin, quoi. C'est parce que il avait un Mikal sur le dos et Mikal qui nous fait un mois de décembre tout à fait intéressant. Quoi. On en parlera là après le deuxième match. Je vous donnerai ses stats sur le mois de décembre. Il y a la renaissance de Mikal et là, ce match-là, 29 points, 4 sur 8 à 3, 12 sur 18 au shoot, 6 passes, 6 rebonds. Et bien alors, qu'est-ce qu'on demande de plus sur un temps de jeu de 36 minutes qui n'est pas son plus gros temps de jeu, hein. Qui est non, pas son plus gros temps de jeu. Ben parce que mieux. Ça s'est fini en blowout, donc forcément, ouais. Tu vois, Jalen Brunson à 30 minutes, OG 30 minutes. Forcément, ça. Il n'y a que 4 qui jouent 38 là-dedans. Après, on a vu quelque chose. Un match particulier pour lui. Après, on a vu quelque chose. On a vu une association Jericho Sims, Karl Anthony Towns. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Sur quelques minutes. Mais on a vu Karl Anthony Towns décalé en 4. On a vu. Parce que Jericho Sims, effectivement, sur un poste 4, ça va être un peu, voilà, un peu délicat. Mais, ouais. Alors, bon, c'est vrai que. L'échantillon est petit. Ouais, alors. J'ai pas vu ça se refaire contre le match contre Pelicans. les Pelicans. Mais il y a eu en tout cas ça qui a été posé. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas Josh Hart et qu'il fallait un peu faire des rotations, ça a été un peu remanié en Oui, puis attendant? parce qu'il y a des Je intérieurs pense que c'est ça. assez costauds en face. Il y avait quand même du Naz Reid, il y avait du Rudy Gobert, il y a du Julius Randle. Donc faut envoyer un petit peu de la masse, on va dire, face à ce genre de profil, quoi. Donc, Ouais, Rendons mais tu vois, hommage quand même on... à Jericho Sims sur une chose, parce qu'on est quand même très dur avec lui, mais il y a eu de très bonnes relations pick and C'est roll Seb qui est avec Jalen dur. Brunson. C'est Seb qui est dur contre Jericho Sims. Je suis tout autant, hein, je ne vais pas me dédouaner. Et très très belle relation pick and roll avec Jalen Brunson. C'est à noter. Offensivement, c'est Voilà, souvent mais très très après le pauvre, truc mais c'est là, que voilà. il faut pas trop essayer de le trouver quand même après. Faut pas essayer D'accord. trop de le trouver parce que après Il a les mains moites. tu sens que les mains ça Ça glisse, glisse. c'est pas évident. Donc c'est voilà, c'est sûr que en fait tu as le pic, mais le problème c'est que tu sais que le ballon ne lui sera pas donné quand il va poser son écran. Mais voilà, non, mais après oui, après il va faire Ce qu'il peut. il va faire ce qu'il peut, voilà. C'est le match contre les Pélicans, il sera un peu mieux parce qu'on a Karl Anthony Towns qui va passer un peu à côté. Mais Sims, là, sur un 19 minutes, quand tu prends les stats brutes comme ça, tu te dis, bah tiens, 19 minutes, il a pris 6 rebonds, voilà, 2 rebonds offensifs, 4 défensifs, c'est pas mal. Tu vois, voilà, mais bon, ça se limite à ça. Tu sais que, tu vois, contrairement encore à un Mitch, qui lui, quand même, a des mains plus sérieuses, même si pour autant ils vont pas le chercher. Enfin, il ne le cherche pas, il n'y a pas cette relation 1-5, on en a déjà parlé à l'époque entre Mitch et Jalen Brunson, mais au moins tu sais que Mitch il arrive à faire des trucs quoi, puis il a un sens du rebond, il a Sim c'est un peu plus compliqué, alors oui, c'est en 20 minutes, ouais, 20 minutes, est-ce qu'il faut vraiment se taper le cul par terre en 20 minutes, il a pris 6 rebonds? Bon, Non, c'est ce qu'on lui demande, c'est de prendre des rebonds, c'est éventuellement mettre un contre ou deux, finir un alley-oop ou deux s'il y a possibilité, et voilà. Et éviter de perdre des ballons, éviter de faire trop de fautes. Bon, voilà, là sur ce match-là, il n'y avait pas Josh Hart, il y avait Precious dans le 5. Bon, bah voilà, Mais lui, il a eu quelques petites minutes en sortie de banc. C'était correct. C'était correct. C'était ouais. correct. C'était Par correct. contre, sur ce que je trouve Bon. dommage sur ce match, Ouais, dis. c'est que pas comme Daddy, ils sont rentrés 5 minutes et qu'après on l'a fait sortir pour faire rentrer Matt Ryan. Et je trouve ça dommage parce que finalement, Matt Ryan, là tu t'en aperçois maintenant, bon, il a été coupé, C'est donc rassurant. finalement, c'était pas quelqu'un sur lequel tu comptes dans l'avenir. Et j'aurais aimé que pas Voir comme plus de Daddy Nadir. finisse le match, surtout que Matt Ryan a eu 4 minutes. Tu lui filais ses 10 minutes dans le garbage, ça aurait été pas mal quoi. Donc bon, voilà, je suis un peu Pas déçu. comme, pas comme fait l'aller-retour avec la G League en ce moment. Effectivement, sur des blowouts comme ça, est-ce qu'on apprend beaucoup sur des blowouts? C'est pas certain. C'est peut-être Non, mieux mais de c'est jouer pouvoir ou jouer un un peu peu quelques minutes sur avec le les grands. deuxième quart-temps ou encore dans le 3 s'il y a la possibilité. Mais ouais. C'est histoire de pinailler. En tout cas, on est Voilà. content que les Knicks aient pris ce match par le bon bout. Effectivement, nous, dans notre pronostic, on pensait plutôt que Minnesota allait Ouais. avoir l'ascendant parce qu'ils allaient jouer chez eux, parce qu'ils allaient vouloir aussi, entre guillemets, passer un message avec Donte et Julius vis-à-vis de leur ancien coéquipier, du moins leur ancienne équipe. Il y a eu un petit peu la mini polémique, il y en a toujours, il y a un mini drama avec Julius. Oui, il n'a pas salué ses copains, ses anciens coéquipiers en partant. Bon, ceci dit, il avait pris une valise, il n'avait Bah, peut-être pas trop à cœur de faire des festivités. La saison est compliquée ben pour Minnesota oui. qui manque de régularité dans une conférence ouest qui est compliquée aussi, qui est compétitive. Lui est en situation contractuelle un petit peu délicate, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas l'aventure à Minnesota. Ça se passe pas complètement comme il voudrait, on sent pas un fol amour avec Rudy Gobert. Anthony Edwards, bah, ça rentre un peu dans le rang, ou du moins c'est pas le joueur calibre MVP qu'on pourrait espérer du côté des Wolves. Donc voilà, finalement, la crise elle est plutôt côté Wolves que côté Knicks, et nous, ça nous va bien comme ça. Non, mais Bon. pour Julius, pour revenir pour Julius, 48 heures avant son trade, il est en train de participer à la construction d'une salle avec sa pelle en or, là, et il fait une photo avec tout le front Avec Tibbs. office. Ouais. Il y a tout le front office qu'il a hein, Oui, il n'y a pas que Tibbs, il y sur le a Twitter. Je veux dire, tu as Léon Léon était Rose, tu as là, Gershon Rosas, tu as tout Gessle. le monde hein, qu'il a. Et 48 heures après, il est trade. Donc bon, il le prend moyennement bien. On sait que Dante l'a assez mal pris. Forcément, après, tu avais ce match de pré-saison, donc tout le monde s'en foutait un peu. Mais sur ce match de pré-saison, je te coupe un peu. Juju, c'était plutôt tout sourire, en Oui. tenue de civil et tout, petite vidéo match au Garden. Il avait l'air content, quoi. En tout cas, on sentait pas une animosité particulière, alors que le trade était tout à fait récent, Mais là, déjà, que tu tous ces voyais. événements qu'on a mentionnés, bah, ils étaient encore frais dans les mémoires de tous, quoi. Là, déjà, tu voyais que même là, en conférence de presse, juste avant le match, quand tu lui en posais la question, et ce match, et machin, et truc, il était. Sèche comme un autre. Il répondait vraiment très sèchement. Et je pense qu'en effet, il voulait marquer les esprits, il voulait nous salir. Il voulait absolument voilà, Couper. faire les choses bien. Et il prend une raclée. En plus, le mec pour qui tu l'as tradé est venu, t'as botté le cul chez toi, tu vois. Et l'ego là du mec, elle en prend, mais alors un coup faramineux. Et ben ouais, et ben, donc au final, il est déçu. Il faut voir que quand même, Julius, en deuxième mi-temps, il marque un panier. Il marque un panier en deuxième mi-temps. Donc là, si tu veux, il s'est fait défoncer par le mec contre qui tu l'as trade, chez toi. Donc ouais, le mec. Après, tu peux pas non plus leur demander. On est là, on dit ouais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de rivalité. Et après, d'ailleurs, on se plaint qu'il se fasse pas des. Qu'il se roule pas des pelles après les matchs parce que le type est déçu, qu'il se soit fait Des pelles, des défoncer. pelles, Tu vois? des pelles, Donc des moi je. pelles. Non mais. Moi je comprends. Ouais. Donc moi je comprends que Julius, ben, après coup, il se soit cassé. Ça veut pas dire qu'il se soit pas vu après. Bien sûr, Mais. dans le tunnel. Et il Voilà. faut aussi raisonner avec le prisme des Wolves, c'est-à-dire que tu es supporter des Wolves, tu sors d'un match comme ça et tu vois Julius sauter dans les bras de l'ensemble des Knicks. Je veux dire, si tu poses la question aux supporters de Brooklyn, comment ils prenaient l'attitude de Mikal Bridges à l'époque quand ils venaient perdre au Garden et que Mikal Bridges sautait dans les bras de Brunson, je peux te garantir qu'encore aujourd'hui, sur les réseaux, tu le lis. Donc, à la place avec tout ce que tu as expliqué, Seb, moi je suis tout à fait d'accord. Le mec, il vient de se faire bah, massacrer. Blowout, un blowout. Forcément, t'as envie d'une chose, c'est de rentrer au vestiaire et de pas fanfaronner sur le terrain, ce Le qui veut pas mec dire qu'il contre n'a qui pas on t'a été revoir trade, les quoi. gars. Par le mec contre qui on t'a trade, et ça, c'est encore. Tu vois, ça fait. Ouais, qui a reçu tous les C'est pas louanges un du GB public, game. c'est. Tu vois, c'est pas un GB game, c'est un Karl Anthony Towns Tu vois. game, quoi. C'est. Puis bon, je veux bien la narrative de. Voilà, il y a une partie de la fanbase qui n'aime pas forcément Randle, Ouais. mais. C'est un joueur qui a toujours tout donné pour les Knicks. Après, on l'aime, on l'aime pas par rapport à son style de jeu, mais je veux dire, il s'est jamais caché. Il a fait ce qu'il pouvait. Il est, je pense, quand même une pierre très importante du projet actuel. Il nous a emmenés là où on est. Donc, moi, j'ai que du respect pour ce joueur et je trouve assez normal aussi que ben, la manière dont il a été trade et qu'il montre peut-être aussi cette forme d'humeur, moi, ça me choque pas. Et Non, voilà, non, moi pas j'ai du tout. pas, je polémiquerai pas plus par rapport à ça. Et je te rejoins sur les arguments, Seb. Je pense que c'était un match qu'il avait coché. C'est un compétiteur. Il avait envie de montrer que ben, il avait de la valeur aux yeux des Knicks. C'est raté pour ce match-là. Donc ben, il rentre au vestiaire direct. Ça Après, ce qui me m'a semble fait, logique. mal à mon petit cœur, par contre, c'est de voir que Dante, bah, il fait le garbage avec Minnesota, quoi. Et ça, il faut le sortir, quoi. Punaise, Big Ragu, quoi. Faut le. On voit encore des images qui tournent par rapport à des moments clutch en playoff la saison dernière. Et on voit Ah Dante ouais. Et là, le qui voir, se perd, là. on va dire, Errer dans le comme une âme vestiaire. en peine et faire du garbage. Là, ça Mais me fait mal l'attaque de à. Minnesota ne convient pas à Dante, en fait. Je pense que c'est pas du tout un joueur qui fit avec la manière de jouer de Minnesota, malheureusement. Et que il n'est pas devenu un autre Et joueur, c'est je pense qu'il qu'il peut finit pas pas la jouer dans saison cette par équipe. contre avec Et Minnesota. aujourd'hui, ouais, c'est ça, il y a des rumeurs de départ. Hein. Il y a des rumeurs de Ben départ, c'est donc pas plus mal, voilà. hein. Parce que regarde, il est trade, hop, il change d'équipe là cette année, boum, c'est Il revient bon. l'année prochaine. Là, en été, tu vas le chercher. Tu vois, tu lui refourgues, tu récoses Sims. Et hop, et tu vas chercher Dante à l'été, tu vois, voilà. Il revient à la maison. Ou tu refourgues Landry Shamet, je sais pas. Bon, on verra, on verra, on verra. En tout cas, pas de projection trop loin, mais ça se passe pas si bien que ça pour Minnesota, ça se passe plutôt bien pour New York. Et la semaine, elle s'est continuée où ça? En déplacement, dans la Louisiane, Big Easy. Bon, c'est compliqué chez les Pelicans, on le sait, ils avaient que 5 victoires au compteur Les avant cages, non. de recevoir les Knicks. Bah, c'est des adversaires qui arrangent pas tout le temps New York non plus, hein. Ça n'a pas été un match aussi facile que ça. C'est une victoire, certes, 104 à 93. Au final, les Knicks font une très belle seconde mi-temps. Heureusement, le retour au vestiaire, le troisième quart était bon. On a eu un certain Jalen Brunson qui s'est plus que réveillé, qui a porté son équipe sur ses épaules à base de panier à 3 points. En veux-tu, en voilà. Quasiment 100% de réussite à 3 points. Il termine à 5 sur 6 derrière l'arc. Et il a réussi à recoller là où les Knicks étaient un petit peu à la traîne. On a eu un match où là, Karl-Anthony Towns a été rapidement pris par les fautes et donc s'est retrouvé sur le banc. Du coup, un peu plus de qui ? Un peu plus de Jericho Sims, un peu plus d'Achua. On avait le retour de Josh Hart sur cette rencontre. Quelques problèmes personnels dont on n'a pas la teneur l'ont tenu écarté du match à Minnesota. Il était bien présent. Ouais, il était bien présent à la Nouvelle-Orléans où il a pu jouer il y a quelques saisons de ça. Qui connaît très bien le coach, Willie Green en l'occurrence. Mais voilà, en tout cas, les Knicks n'ont pas eu un match si facile que ça. C'est une équipe qui est dans la difficulté, les Pels. Hein, des John Temoray à des passages un petit peu par moment. Cici McCollum aussi. Trey Murphy de Third qui fait quelques belles illustrations aussi. Herb Jones, pardon, pas Williams. Hein, Herb peut en cacher un autre. Mais voilà, c'était trop peu pour tenir tête aux Knicks sur l'ensemble d'une rencontre. Voilà, c'est une victoire, tant mieux, mais on était mal entamé, mal embarqué en tout cas sur cette première mi-temps, et moi j'étais pas très très serein, je me suis dit bon, ils vont pas nous faire le coup de je me foire à base de j'ai pris l'adversaire de haut. Non, ça s'est quand même bien pris, 39 points de Jalen Brunson, avec un petit lancer franc ou deux, on avait la quarantaine et dommage. On a Michael Bridges à 18 points, OG Anunoby à 16 points, même si l'adresse extérieure est un petit peu discutable. Ouais. Josh Hart 14 et Karl-Anthony Towns 11 points 10 rebonds. Bon, petit match pour lui, hein. C'est les fautes qui l'ont contrarié. Il poursuit sa série de double-double. Double. Ouais. Mais après, tu regardes la Nouvelle-Orléans cette nuit, tu vois, ils ont perdu, mais en prolongation contre Denver. Donc, ouais, ils essayent de s'accrocher tant bien qu'ils peuvent. Et ce match, il avait tout d'un match piège. Tout d'un match piège. Il puait le match piège. Et dès le départ, on s'est dit, c'est un match piège. Et ça n'a pas loupé. Ça a été compliqué. Heureusement qu'on a eu un Jalen Brunson de gala. Et tu regardes, là, au niveau des stats, on se retrouve avec les stats de Minnesota. Quasiment 44% au shoot, 40% à 3 points. Heureusement qu'on a su réagir en deuxième mi-temps. Et heureusement qu'en fait, Jimmy est sorti du bois, 7 sur 10 à 3, c'est incroyable. Voilà quoi, avec 6 passes, 2 vols de balles. Non, il a été magnifique. Et puis, bien secondé, là encore, par un Michael Bridges avec 18 points, 18 points de passes, 2 vols de balles. Un OG Anunoby qui a été aussi plus dans la défense. En ce moment, attention, il est plus concentré sur la défense. C'est pour ça que je pense qu'il pêche un peu offensivement. Et un Josh Hart qui, à son retour, nous a fait du bien. Mais heureusement qu'on l'a pris parce que ça aurait été encore un match, on l'aurait eu là. Oh, il aurait eu un goût amer là sur ça. Ouais. Et sur ce match, il y a une partie. J'ai parlé tout à l'heure un peu de Precious, un peu de Jericho Sims. Bon, 12 minutes pour l'un, 13 minutes pour l'autre. En production statistique, heureusement que t'as ton Jericho Sims qui te prend des rebonds parce que sinon. Oui. Voilà, Precious Achiuwa aussi. Et on a 6 points en sortie de banc. McBride qui passe à côté, hein, 1 sur 6 au shoot, 2 points en 16 minutes. Ça c'est pas trop le McBride qu'on avait vu en début de saison et qui nous faisait dire pourquoi pas il pourrait postuler pour un Sixth Man of the Year. De consistance. Là, en ce moment, ça manque de régularité pour McBride. Là où il était bon sur le match d'avant, voilà, là c'était clairement pas le bon match. Alors que l'adversité normalement doit lui permettre de briller, je sais pas, mais en tout cas d'essayer d'avoir ses opportunités et d'en profiter. Ça va être tout ça la différence. Est-ce qu'on va avoir un McBride régulier ou pas? Bah non, pour l'instant, on n'a pas un McBride régulier. Depuis sa blessure et son retour, c'est irrégulier. Tu regardes, tu vas avoir contre Charlotte, il avait sorti 14 points. Nouvelle-Orléans, 13 points. 18 points contre Orlando. 10 points contre Charlotte. Et là, il va te faire une série de 4 matchs consécutifs sous les 10. 8, 8, 5, 7. Là, il va te marquer 16 points contre Minnesota, incroyable. Et boum, 2. C'est... les montagnes russes avec lui, donc s'il produit, eh ben tu sais que limite s'il passe les 10 points, tu sais que limite t'es un blowout. Parce que non, mais c'est presque ça quoi. Et aussi d'où l'interrogation sur le retour de Landry Shamet. Voilà, il y aura un peu de concurrence, les tickets shoot, faudra un peu les répartir différemment. Mais si malgré ça, on va chercher le match. Et c'est ça qui est intéressant, on a été chercher ce match. Et beaucoup de pertes de balles qui sont cachées par le reste des stats qui restent positives dans l'adresse, dans les rebonds, Donc, ce match-là, je pense qu'il y a quelques semaines, on le perdait. Possible. Ça me fait penser à un match comme Utah, ce genre de choses. Oh là là, donc... me rappelle pas de mauvais souvenirs. Oh là, donc, non, c'est positif. J'ai encore mal. Franchement. J'ai encore mal à mon Utah, quoi. Bon, voilà, en tout cas, pour cette semaine de match, finalement, deux victoires. Pourquoi est-ce que j'ai pas pronostiqué une full victoire sinon, juste pour en revenir, regarde, OG Anunobi, sur le mois de décembre, actuellement, alors que sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, il tournait à quasiment 16 points, 17 points, avec des hauts pourcentages. Par contre, il avait moins de contres. Là, sur le mois de décembre, il tourne à 14 points, ce qui est pas mal. À 2 contres, ok, 2 contres, 4 rebonds de passe, 2 vols de balle, c'est honnête. Mais quand tu regardes, le pourcentage, il est à 28% à 3 points. Il en prend 6 par match, il en rentre moins de 2, quoi. Ça va être compliqué pour aller au All-Star. Et là, non. Je dis pas là comme il tournait comme un avion en novembre. Je vais te dire. Et pour moi, il était en surchauffe. Pour moi, il était en surchauffe de ouf. En novembre, à 3 points, tu vois, il était à 40%. Bah, 40%, bon, quelque part. Ouais, mais il y a une sorte d'effet un petit peu. Vase communicant, là où OG est un peu moins performant, un peu moins efficace offensivement sur son shoot, on a un Mikal qui lui retrouve un peu ses marques et au contraire retrouve un peu plus mais je pense qu'il porte moins la balle, OG. Je suis pas très à l'aise. Il est censé jouer poste 4 aussi, quoi, donc c'est pas la même utilisation. T'as un shoot ouvert dans le corner, prends-le. Autrement. Ouais, non, mais il les prend, hein. Mais il les rentre plus. C'est ça le. À voir en tout cas. Après, ce qui est intéressant, je trouve que c'est dans cet ensemble par rapport à OG, et c'est vrai pour le reste de l'équipe, il faut aussi ne pas être unidimensionnel et mourir par le 3 points. C'est-à-dire que bah, quand ça rentre pas, il faut être capable de se dire aujourd'hui, je vais agresser le cercle, je vais chercher des backdoors, je vais chercher un autre style de jeu. Mikal, ça peut être du mid-range, et OG, ça peut être aller agresser le cercle, chose qu'il fait encore très bien. Et je vous rejoins, quand l'adresse n'est pas là, bah, change de filière pas. En fait. Force pas, ouais. À voir en tout cas. Bon, après cette belle semaine de deux succès, on va quand même désigner un Player of the Week, un Nick of the Week. Est-ce que ça sera le Player of the Week de la NBA? On ne sait pas, on verra. Est-ce que ça sera Landry Schamet? On ne sait pas. Est-ce que ça sera Landry Schamet? On va lui laisser encore un petit peu de temps. On va attendre son Landry Schamet game. Je ne sais pas contre quelle équipe il va nous en gratifier d'un. On verra. Est-ce que c'est Deuce McBride? Bon, on a dit irrégulier, non. OG, moins de pourcentage. Mikal, hein, c'est régulier. 4, un bon match et un match plus discret parce qu'il y a des fautes. Ah bon, Josh Hart, mais il en a fait la moitié, donc ça va être un petit peu compliqué pour postuler. Qui nous reste-t-il? Eh bien, avec son beau pull de Noël, notre ami Jalen Brunson. Il nous a fait, il nous a sorti hein, le cul des ronces. Voilà, il nous a sorti le cul des ronces face à l'équipe de Louisiane dans le Bayou. Là, je sais pas où est-ce qu'on était embourbé, et il nous a fait gagner ce match, ce qui permet d'arriver au moment des fêtes de Noël. C'est un match, certes, mais de retourner à la maison avec un petit peu de victoire dans les valises. Donc Jalen Brunson, tout beau là pour fêter les fêtes, qui nous gratifie voilà d'un Player of the Week. Je pense que là-dessus, on retrouve le JB qu'on aime, le JB All-Star, sûrement. Le JB All-Star titulaire, on aimerait bien. Le JB qui s'allie un des meilleurs défenseurs de la NBA. Le Jones. Ah, Herb Jones. Oui, d'accord. Jones. Je pensais que tu allais me parler de DeJounte Murray. Non, Herb Jones. Et il a scoré tous les points sur le RAB. Et il a dit, pas de souci, pas de problème. Non, mais il a été... Regarde, quand il a affronté Jalen Suggs, il est arrivé à le faire expulser. Je veux dire, les bons défenseurs... bon, on l'avait vu en difficulté contre Dyson Daniels et Atlanta. Mais... sinon, enfin, je veux dire, il arrive quand même à rester dans le match et à faire ce qu'il a à faire en attaque. Donc, moi, je le trouve, contre les bons défenseurs, il arrive quand même des fois à se sublimer un peu, quoi. Tout à fait. Il arrive à s'en sortir. Il y a certains match-ups qui passent mieux que d'autres. En tout cas, voilà. Bravo à toi, JB. Tu vas ponctuer notre année. Tu vas conclure notre année avec le Nick of the Week. Je pense que c'est même Nick of the Year. Hein. Carl Anthony Towns fait de très beaux débuts, mais la saison que nous fait Brunson et... les saisons que nous enchaîne Jalen Brunson nous font forcément le mettre à l'honneur pour cet épisode 108. C'est la plus belle signature de Free Agency depuis Amaris Todmeier. Depuis Julius Randle, je suis salaud. Depuis Julius Randle. Ça avait été une belle signature de Free Agency, Julius Randle. Il a été All-Star, il a été machin. Et avant ça, t'as vu Amaré qui avait été. A posteriori. Au moment où Julius Randle arrive, on se demande si c'est pas un lot de consolation. C'est par rapport aussi à l'attente que tu en as au moment de la signature. Si les meilleurs arrivent, tu sais que c'est une star. Alors que là, Brunson, il y a des gros doutes. On peut d'ailleurs ressortir beaucoup de messages Twitter, Instagram ou que sais-je encore. Ils ont mal vieilli. Hein. Ils ont très très mal vieilli sur. Après, je vais pas te cacher. Les genoux de Stoudemire ont mal vieilli aussi. Non, mais quand il a signé, je vais pas te cacher. Pour moi, il nous fallait un meneur gestionnaire. Et l'arrivée de Jalen Brunson. Alors, il sortait de six gros. Après Noël. Janvier avant, puis les playoffs, il avait complètement explosé sur cette moitié d'année finalement avec Dallas. Mais pour moi, c'était pas vraiment ce profil-là qu'il nous fallait pour pouvoir jouer avec l'effectif qu'on avait à ce moment-là. Et je sais que moi, j'avais un Trey Jones, comment il s'appelle ? Tyus Jones. Le frère. Pour moi, tu vois, un Tyus Jones, tu vois, dans cet effectif à cette époque-là. Tu vois, je l'aurais bien vu parce que c'était un joueur qui perdait. Moment confession, alors. Moi, c'était plutôt Lonzo Ball. Il y avait Lonzo Ball. On voit ce qu'il est devenu. Ouais. Et ça se passait pas trop mal aux Pelicans, mais et c'est vrai ça a que... été une catastrophe depuis. Quoi. Et c'est vrai que on était assez dubitatif sur Jalen Brunson. Après, on avait vu qu'il avait fait de grosses stats, tout ça. Mais comment quid de sa relation avec Julius et tout. Et pour moi, au départ, c'était pas le profil d'un meneur. Enfin, c'était pas... un meneur attaquant. Première que t'aurais été cherché. Ouais, c'était pas un meneur attaquant pour moi qu'il nous aurait fallu à ce moment-là. Et ça prouve bien une chose, c'est que c'est pour ça que je ne suis pas général manager NBA. C'est parce que moi, j'aurais pas pris cette décision-là qui, pour le coup, aurait été sans doute foireuse par rapport à ce qu'a fait Leon Rose. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est une des plus belles signatures. C'est une des plus belles signatures. Et voilà, et c'est pour ça qu'en cette fin d'année, cette période de fête, eh ben on dit merci JB. Merci Léon. Merci Léon aussi. Remercier. Merci ouais, Léon. C'est surtout JB qui performe sur le terrain en ce moment. Léon, il joue pas terrible au basket. Ouais, mais c'est Léon qui fait l'équipe aussi. Hein. Qui fait l'échec. Donc, c'est vrai que rares sont ces mauvaises décisions. Il y a ce mauvais été 2021 qui est fait... pour moi, un peu un dépit du bon sens. Et d'ailleurs, on l'a payé, puisqu'on n'a pas fait les playoffs. Et après, finalement, il est revenu sur toutes ses décisions. Et puis, depuis, franchement, Anthony Towns, on verra si on mettra ça aussi à un très bon actif de Léon Rose. Est-ce que Léon Rose sera exécutif de d'ailleurs ? Eh ben ça, on verra un peu plus tard. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le programme de cette quinzaine. Parce que oui, il y a deux semaines à regarder. Et il n'y avait pas une histoire de jeu de cadeau ? Si. Ben, allez. On regarde tout ça ensemble sur ce qui se présente au Knicks pour cette quinzaine des fêtes de fin d'année. Bon, un petit aperçu aussi sur le classement de la conférence Est, les Knicks qui sont confortablement installés sur cette troisième place. Ils ont passé le Orlando Magic, qui accuse encore des blessures. Comme quoi, il n'y a pas que des joueurs sous l'air Tom Thibodeau qui se blessent. Et là, ils ont dans la ligue. Et là, ils ont perdu pour toute la saison. Là. Ouais, pour toute la saison, lui qui avait donné du fil à retordre à Karl Anthony Towns et qui se frittait un petit peu avec, et ben. Voilà, ouais. On reverra plus de la saison. C'est triste pour lui. Bon, une semaine, une quinzaine qui va commencer par quoi ? Par la réception de Chris Paul, par OG Anunoby, bien sûr, vous le connaissez. Mais les San Antonio Spurs qui vont venir au Madison Square Garden assez vite dans la semaine. Il y a un petit match avant, hein, il y a un petit match, faut pas l'oublier. Mais voilà, nuit, un match aussi qui sera cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, réception des Toronto Raptors qui seront malheureusement privés de RJ Barrett. Ouais. Pour New York, je sais pas si Scotty Barnes est de retour, tu vas nous dire un petit peu tout ça, mais en tout cas on a un gros programme sur cette quinzaine. On avait que deux matchs la semaine dernière, et ben là 4 matchs par semaine. Dans l'ordre, les deux matchs à domicile face aux Raptors, puis le soir de Noël, n'oubliez pas, KND Viewing Party, face aux Spurs. Derrière, on aura un déplacement, où ça? Chez Mo Wagner? Eh ben non, pas chez Mo, enfin chez Mo, mais il sera pas sur le terrain. Mo. Bon, quand tu dis Floride. Chez Mo, je vois le tenancier du bar dans les Simpsons. Eh ben écoute, peut-être, punaise, oh punaise, prendre une duff, duff pire. Donc au Magic dans la nuit de vendredi à samedi, puis derrière, déplacement où ça? En la capitale, chez Donald Trump, bientôt, ouais. Double déplacement. Washington. Double ouais. déplacement, ouais. Double déplacement parce que le calendrier NBA est drôlement fou. Ouais, c'est marrant. On ouais. va se déplacer à Washington pour un match, puis on va enchaîner dans la nuit de mardi à lundi à mardi, pardon. Oh là, je m'y perds. Sur la deuxième semaine, vous m'avez compris, j'en vous l'avez de façon sur les yeux. Double confrontation face aux Wizards, c'est pas un back-to-back, mais bon, les Knicks vont passer un peu de temps dans la capitale. Un jour, peut-être qu'ils iront à la Maison-Blanche pour célébrer leur titre de champion, en tout cas, on l'espère. On verra. Un retour à la maison face au Utah Jazz. Il fallait avoir de la revanche à prendre. Hein, parce que là, celui-là, il était resté un petit peu en travers de la gorge dans Terre Mormone. Et puis, pour finir l'année, pour basculer sur la nouvelle année plutôt. Parce que ça, le match du Jazz, ça sera le 1er janvier. Oui, on sera en 2025. Et donc, en début d'année 2025, nous aurons un déplacement au Thunder. Ouh là là, ça, c'est, ouais, ça, celui-là, c'est là. Un match compliqué. Le match où on va retrouver. Hein, derrière. Et back-to-back parce que derrière, c'est déplacement à Chicago chez les Bulls. Un programme plutôt chargé. Des équipes de l'Est, des équipes de l'Ouest aussi, un petit peu. Enfin, il n'y a que deux, trois, dans trois équipes de l'Ouest. Bon, un petit peu la forme du moment. Seb, tu nous le fais de façon accélérée. Accéléré. Qu'est-ce qu'on a sur bon. Ces équipes? Alors déjà, au niveau des blessures, pour Toronto, il n'y aura pas RG, donc tu l'as dit ce soir. Il ouais. n'y aura pas Jacob Poeltl, il n'y aura pas Emmanuel Quickly, il n'y aura pas Bruce Brown. Par contre, Scotty Barnes a joué cette nuit. Il a joué cette nuit. Donc, il est revenu. Il est avec revenu. Ses lunettes. Ses lunettes. Comment? Ses petites lunettes. Ouais, je crois qu'il avait ses petites lunettes. Bon, ils sont pas bien. Hein, les, là, ils sont sur une grosse série de défaites. Je les compte même plus. Là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Donc, bon, voilà. Okay, là, ils vont jouer contre nous au prochain match. Mais ils font que perdre. De toute façon, leur stratégie est claire. Hein, là, ils jouent la draft. Donc, après, c'est toujours pareil. Ce sont les GM qui jouent la draft. Et les joueurs, eux, ils jouent pour gagner. Après, malheureusement, ils n'ont pas forcément l'effectif actuellement pour espérer grand-chose de plus. Les Spurs sont au complet. Ils ont récupéré tout le monde. Eux, ils n'ont plus de blessés dans l'infirmerie. Les Spurs, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un 4-1. Donc, plutôt pas mal. Hein, avec un Wemby qui marche sur l'eau. Ça contre à tout va. Ça fait des doubles-doubles contre. Ça, c'est quand même... assez fantastique. Donc voilà, la seule défaite qu'ils ont eue, ben, c'est contre Minnesota, tu vois. Voilà. Mais sinon, ils ont récupéré tout le monde, ils sont en forme. Avant de nous jouer, ils vont jouer Philadelphie. Alors, ça va être quelle Philadelphie? Est-ce que ça va être le Philadelphie de Embiid et Paul George? Ou est-ce que ça sera les Philadelphie de personne? Donc, on sait. André Drummond. Voilà, on ne sait pas trop. En sachant que, voilà. Ensuite, concernant le Orlando Magic, bon, on l'a dit, eux, ils ont leur stade qui est construit sur un cimetière indien. Actuellement, je veux dire, qui n'a pas été blessé sera blessé. Malheureusement, Mo Wagner out pour la saison. Franz Wagner toujours indisponible. Paolo Banchero toujours indisponible. Ils ont Jalen Suggs qui est en day-to-day. Normalement, ils disent qu'il reviendra lundi contre Boston. Alors, est-ce que ça le ferait jouer contre ça nous? Ça serait vendredi, dans la nuit de vendredi à 7. Ouais, donc ça le... donc il se... En principe, il sera là. Ouais, il sera de retour. Il sera de retour. Eux, ils jouent ce soir contre Boston. Ensuite, ils font Miami. Et ensuite, ils seront quasiment back-to-back contre nous. Donc, ils ont quand même une belle semaine. Hein. Eux, Boston, Miami, New York, c'est du point. Et puis, Orlando qui essaye de pas trop glisser malgré ses blessures dans le classement de la conférence Est en attendant le retour de ses blessés. C'est pas trop mal, hein, malgré leur... Ils s'en sortent pas si mal. Ouais, ouais, bon, même si, voilà, si leurs 5 derniers matchs, ils sont en 2-3. Mais voilà, ils ont perdu contre Milwaukee, New York et Oklahoma City. Hein. Tu rougis pas quand tu perds contre ces équipes-là. Ils ont gagné contre Phoenix, ils ont gagné contre Miami avec un énorme back-to-back. Avec la forme. Et puis où ils tapent un combien? Un 36-8 ou un truc comme ça. Un truc comme ça dans le dernier quart. Face au Heat, on est d'accord. C'est au niveau de la Floride en plus. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était incroyable. Ils ont fait un comeback de fou avec un Cole Anthony de malade. Nos amis de Washington. Alors bon, ben, eux, on le sait hein, également, ça joue la draft. Ils sont, ils sont sur un bilan de 2-8. Ça, voilà, ça perd assez régulièrement. Et au niveau de leurs blessés, ils ont Bilal qui est en day-to-day, mais qui devrait revenir, qui devrait nous jouer. Ils ont un Kyle Kuzma qui est out et ils ont un Sadiq Bey qui est out. Donc Kyle Kuzma qui se serait pris les pieds dans son pull, je sais pas. Voilà, donc dans son beau pull rose. Mais sinon, voilà, donc non, mais ça, c'est des matchs à gagner. Normalement, à nos portées. Avant de nous jouer, ils vont jouer Oklahoma City, ils vont jouer Charlotte. Donc c'est le haut et le bas, quoi. Opposition française avec Tijan Salin. Donc, Utah, tu l'as dit. Utah avait avoir une forte odeur de revanche. Keontae George est en day-to-day, mais il devrait être de retour contre nous. Par contre, Taylor Hendricks, lui, est toujours out. Il le sera pour la saison. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est out pour la saison. Et eux, ils sont en pareil, ils sont en 2-3 au niveau des 5 derniers matchs, mais ils sont en 3-7 pardon, sur les 10 derniers. Donc ça perd quand même, ça perd beaucoup. Là, ils ont gagné 2 matchs consécutifs contre Détroit et Brooklyn. Bon, en même temps. Et ils vont jouer avant nous, ils vont jouer Cleveland, Portland, Philadelphie, Denver. C'est... Il y a à boire et à manger là-dedans. C'est salé, c'est salé. Oklahoma City, bon bah ça on l'a dit, Oklahoma, leader de l'Ouest. Ouais, qui a perdu en finale de la Cup. Ouais, mais super équipe. Au niveau des absences notables, bah, c'est Chet Holmgren. Meilleure défense de la Ligue. Hein. Ouais, il ne sera, okay, sera pas de retour, Chet Holmgren, ça c'est sûr. Mais actuellement, voilà, là, ils ont perdu, tu l'as dit, en finale contre Milwaukee. Mais pour un match, mais c'est le... Et on retrouvera notre Einstein. Voilà. Et Hart. Et, mais sinon, si tu enlèves cette défaite contre Milwaukee, en championnat, match qui compte, en gros, ils sont sur un 1. Ils sont sur un 9-1 sur les 10 derniers matchs. Ça tourne plutôt bien. Ouais, ouais, ça a gagné Miami, ça a gagné Orlando, Houston, Dallas, Nouvelle-Orléans, Toronto. Est-ce que SGA va postuler vraiment pour être MVP cette saison? En tout cas, il est dans au bout d'un moment, je vois pas ce qu'on lui demande. Hartenstein, meilleur rebondeur. Hein, quand tu regardes les meilleurs rebondeurs sur leur dernier match, c'est tout le temps, hormis un match où c'est Dort, sinon c'est lui. Hein, 18 rebonds, 12, 12, 13, 12, ouais. 16. Isaiah, pourquoi? Pour le pognon. Enfin, bref. Donc, avant de nous jouer, eux, ils auront Washington, Indiana, Charlotte. Possible. Non, mais attends. Ensuite, bon, Memphis, Minnesota, Clippers et nous. Ça se corse. Et après, ils font Boston, Cleveland, ils rejoueront nous. Donc, après, par contre, ça va se corser. Mais là. Début d'année compliqué pour. Début d'année compliqué, ouais, pour nos amis d'Oklahoma. Mais si ils ont des aspérités à être champions. Faut gagner contre tout le monde. Faut gagner contre ce genre d'équipe. Et ça marche, et ça marche pour nous aussi. Tout à fait. Et concernant Chicago, je crois pas qu'il y ait vraiment d'ambition d'être champion cette année, du moins. Chicago, normalement, ils auront récupéré tout le monde. Parce que là, tu as Guidi et Torrey Craig qui sont en day-to-day. Mais normalement, ils devraient revenir. Donc, questionnable contre les Bucks. Donc, voir juste quand ils déclenchent leur trade, hein, trade au pluriel. Parce est-ce qu'en janvier, c'est le moment? On veut une revanche. Parce qu'ils sont venus gagner au Madison. On veut une revanche exactement comme dans la même idée. Ils sont venus. Et de un point, on se rappelle du in and out de GB. Sur la fin. Ouais, c'était. Ça se joue à pas grand chose, mais voilà. En tout cas, c'est une équipe aussi sur laquelle on peut s'attendre à des mouvements. Est-ce que dès janvier ça peut déclencher? Cette équipe est quand même, tu vois, cette équipe est quand même un peu spéciale. Elle arrive à battre Boston une fois sur une double confrontation. Elle arrive à battre, elle a battu San Antonio, elle a battu Atlanta. Enfin, donc après, voilà, quoi penser d'eux? Bon, là ils sont sur un 3-2. Ils ont un bilan positif sur les 5 derniers matchs. Donc et avant nous, ça dure pas. Avant nous, ils vont jouer Milwaukee, Atlanta, Milwaukee à nouveau. Charlotte, Washington et nous. Voilà, voilà un petit donc peu. Donc là, on va devoir pronostiquer tout ça, messieurs, c'est ça? Ouais. Et oui, sur ces 8 matchs, on a 8 matchs à domicile, 5 à l'extérieur. Une question avant de pronostiquer. Bon, il y a le match de Noël qui a toujours une saveur un petit peu particulière. Je ne sais pas si c'est un match que vous attendez vraiment beaucoup ou pas, un peu, voyons. Oui, ouais. Le match de Noël. Aussi, ouais, ouais, ouais. En plus, pour ouvrir la soirée, on n'est peut-être pas obligé de se faire tout le marathon des matchs. Mais toi, Seb, toi, t'aimes bien ces matchs de Noël? Ouais, les matchs de Noël, ouais, j'aime bien me poser sur le canapé là et essayer de me les faire. De digérer, quoi. Tour sympa. non, mais c'était c'est toujours. De digérer ouais. Sans rager sur les Knicks. Et toi, Chapi, c'est un match que t'aimes suivre, le match de Noël? Ouais, et puis pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est un match à heure agréable. C'est un match qu'on regarde en famille avec, avec le papa qui est fan des Knicks aussi. Cool. Milite pour le retour des maillots de Noël qui vont monter. On voit derrière, ouais. Voilà. Donc, on se disait c'est celui de Camby derrière. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ça me fait trois raisons, mais il n'y en a plus que deux maintenant en 2024 qui me donnent envie de le regarder. Mais ouais, je serai devant l'écran, évidemment. Donc celui-là, forcément, on ne va pas le louper. On sera également en viewing party, on en a parlé tout à l'heure. Mais sinon, dans le reste de cette quinzaine, il n'y a pas un petit match qui vous attire plus qu'un autre? Ah si, bien sûr. Lequel? Le deuxième match contre Washington. Enfin, pas le premier, le deuxième. Voilà, si, celui-là, c'est quand même... Ah, okay. Ah, pas manqué, on est d'accord. Bon, voilà, on le sait, c'est le Thunder, le match face au Thunder. D'abord. Une équipe phare de la conférence Ouest, et pas n'importe quelle équipe. Il y a le fameux Isaiah Hartenstein. On va voir un petit peu cette confrontation avec Karl Anthony Towns. Est-ce que Karl Anthony Towns va cocher ce match en se disant « Je vais vous montrer, vous les Knicks, et vous les Knicks fans, que finalement, je suis plus valuable que Isaiah Hartenstein ?» on verra en tout cas. Mais c'est forcément un match qu'on attend. Je pense qu'Hartenstein. Ouais. Bah, après, Hartenstein aussi va vouloir rentrer dans l'art de Kat. Après, Hartenstein, c'est lui qui a décidé de partir. Hein. Les Knicks lui ont fait une proposition. Hein. Il voulait le garder. Toute l'équipe voulait qu'il reste. Hein. C'est lui il a qui hésité. Est parti. Donc, après, il n'a pas à avoir un esprit revanchard vis-à-vis des Knicks. Parce que ben déjà, s'il en est là où il en est, ben, merci les Knicks, merci Tom Thibodeau. Et puis, ben, si... Il avait totalement sa place dans l'effectif et c'est lui qui a décidé de partir. Donc, tu vois qu'il y a un esprit revanchard de Julius Randle, ok. Maintenant, je pense pas qu'il y a un esprit revanchard vis-à-vis des Knicks. Non, mais il aura envie de briller face à son ancienne équipe et on peut s'attendre à de l'adversité. C'est un joueur aussi qui a du caractère, qui aime l'engagement physique. Donc voilà, on peut s'attendre en tout cas à une belle bataille. Ça sera... Une belle bataille. Après, bon. Une des plus belles attaques contre la meilleure défense NBA. Peut-être qu'au moment du match, les ratings auront changé, mais ça va être un très bon test pour nous de voir où on va se situer à ce moment de la saison. Et d'ailleurs, ils ont re-signé cette nuit, ils ont prolongé Caruso. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont prolongé Caruso pour une vingtaine de millions par saison. Ouais, c'est ça, sur 4 ans. Mais quand tu regardes, ouais, ils ont du bonhomme à envoyer sur nos meilleurs attaques. Hein. Ils ont évidemment Lou Dort. Profondeur de banc. Ils ont Lou Dort, ils ont Hartenstein, on sait que c'est pas cadeau. Ils ont Jalen Williams, c'est aussi un super défenseur. Isaiah Joe, on a parlé de Caruso, donc. Et puis Shai, c'est un bon défenseur aussi. C'est du calibre MVP. Cette équipe du Thunder a la tronche d'une équipe finale de l'Ouest et plus si affinité quoi. C'est elle est complète de partout, elle est profonde en talent. Et puis elle a une fenêtre qui va peut-être à un moment donné devoir se refermer si on ne peut pas prolonger tous les jeunes. Donc il y aura des choix à faire. En tout cas, elle est sur une très belle dynamique depuis quelques saisons. Il continue à jouer là-bas ou il a perdu il est plus ou moins de temps en temps là-bas. Parce qu'il jouait pas mal, je crois, en début de saison. Bah, sur l'absence de Chet Holmgren et sur ouais, le retour de Hartenstein. Non, il joue plus du tout. Il joue plus du tout. Bon, là, je suis sur référence. En gros, la dernière fois qu'il a joué, c'était le 20 novembre. Et depuis, il joue plus. C'est terminé. Ouais. Alors après, est-ce qu'il est blessé? Mais je crois pas, parce qu'on n'en a pas parlé dans les blessés. Non, c'est juste qu'il y a du monde devant lui. Quoi. Ouais, il joue du coach. Il joue plus. Voilà, choix du coach. Messieurs, il va falloir se mouiller On va te donner l'honneur, Chapitre, oui de te lancer sur l'exercice du pronostic. Merci, on sait les matchs qu'on attend le plus. Là, c'est pas simple parce qu'il y a 2 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, faisons l'exercice. Je suis un optimiste. Un optimiste. Donc, 8-0. Je vais dire. Très bien. Non, je vais dire un 6-2. 6-2. Oh, okay, ouais, okay. J'ai envie d'être optimiste. C'est... Et c'est aussi on ce que prend. Je souhaite voir parce qu'on arrive à un moment un peu charnière de la saison. Après 30 matchs, je considère que maintenant on doit montrer aussi ce qu'on est capable de faire. On est sur une bonne dynamique. Moi, je vois beaucoup de positifs des derniers matchs. Donc, je nous vois bien lâcher sur le duo Antonio ou Orlando. Et je nous vois chuter contre OKC. Ou en tout cas sur ce back-to-back OKC-Chicago. Si on va gagner à OKC, j'imagine que le lendemain à Chicago, ça sera plus compliqué. Donc, je vais partir sur un 6-2. Ok, très bien, c'est noté. Seb, toi, t'es plus optimiste, t'es plus modéré, un 4-4. T'es plutôt défaitiste. Ouh là là, on va se prendre plutôt plein de défaites dans toute cette période de fête. Comment tu vois les choses sur ces 8 matchs? Alors, bizarrement, les matchs contre San Antonio, je le sens mal. Je sais pas pourquoi, Après, ça va être la fête à la maison. Après, c'est jamais évident de rejouer deux fois la même équipe coup sur coup. Avec, t'as vraiment peur des Wizards. Avec d'accord. Washington. Non, okay. Mais c'est jamais évident. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce match contre Oklahoma City. Et on peut très bien gagner Oklahoma City et aller perdre à Chicago. Tu me disais, oh ouais, non, t'as eu tard, on perd pas contre eux. Et on a perdu, ouais. Contre Détroit, on devait pas perdre, on a perdu. Voilà. Donc, si tu veux, moi. Donc quoi alors pour l'instant, si un tu veux, 5-3, cette équipe, 5 victoires, 3 défaites oh, presque, ouais. Cette équipe, si tu veux, pour l'instant, je suis. T'es pas encore. Pas encore rassuré. Je suis convaincu, il en faut plus. Mais allez, on va partir sur 5 victoires, 3 défaites. Les défaites seront San Antonio, seront le match 2 de Washington et sera le contre Chicago. On gagne Oklahoma City. Wow. Ah, ok. Très bien. Bon, moi aussi je vais mouiller. Il y a un petit détail qu'on a oublié dans cette histoire. C'est qu'on parlait de Mitchell Robinson. Alors bon, certains ont dit à un moment il sera de retour en décembre. Certains ont dit bon, il va peut-être revenir en janvier. Après, ça parle un peu de février. Est-ce qu'on va le voir ou pas? Vous savez, j'aime bien faire un peu de teasing non. Sur le retour de blessure. Ça a été long pour Precious Achiuwa. Landry Shamet, je pensais pas qu'il allait revenir aussi vite. On verra aussi ce que ça va donner. Ça peut être un peu une petite surprise en sortie de banc. Bien sûr, avec un temps de jeu modéré. Bref, tout ça nous fait que, bon, on n'a pas non plus un groupe encore à plein régime avec ce retour de Mitch. On ne sait pas, on verra. Il nous fait du teasing, il voulait jouer pour Noël. Ah, ça va être un peu juste, je pense. Le match de Noël, ça va être un match particulier parce que Wemby sur les antennes nationales, au Garden. Par contre, c'est un match particulier parce qu'il est tôt aussi. Donc, voilà, à quoi s'attendre? Ça va être une des rares oppositions avec la conférence Ouest sur cette quinzaine. Il y en a 3, mais c'est la première. Bon. Toronto, diminué, Toronto sans RG, qui peut faire son RG game au Madison Square Garden, il n'y aura pas. Donc voilà, on gagne contre Toronto, contre San Antonio. Ah, j'ai peur effectivement de la mauvaise blague et j'aimerais plutôt une défaite face aux Spurs. Et vous savez l'amour que je porte pour cette équipe. Donc, mais bon, ouais, je préfère. Allez, je vais pronostiquer une défaite face aux Spurs. Et si on gagne, bah, je serai encore plus heureux, tout simplement. Orlando s'est blessé, donc ça s'arrange pas. Et on a pour l'instant l'ascendant psychologique sur eux. On a gagné 2 fois. On continue. 3-0. Pas plus on plus personne, non, les pauvres. Washington, oui, c'est pas facile de jouer 2 fois la même équipe en si peu de temps. Mais je me vois pas. Non, je vois pas. Je vois pas l'accident là. Donc on enchaîne les 2 victoires. Utah, il y a la revanche à prendre. Ok, ici, par contre, non. Je pense que ça va être trop dur pour nous. J'espère me tromper, mais il y a une vraie rivalité. Il y a une vraie équipe qui est complète, qui est dense, qui est ambitieuse, qui joue vite, qui est jeune. Et ça ne réussit pas tellement. Donc. Ok, si, j'ai peur que non, ça soit pas pour nous. Par contre, Chicago, voilà, je vais plus en entendre parler dans la case des défaites des Knicks. Donc pour moi, c'est un 6-2 sur cette quinzaine. Okay. Une défaite à Noël. Bon, voilà. Ça gâche un peu la fête, c'est pas grave. Excès de foie gras. et une défaite face au Thunder. je ne changerai pas mon pronostic 6-2 pour moi sur cette quinzaine, messieurs. Voilà, c'est à prendre ou à laisser, mais ça sera mon prono. Messieurs, messieurs, on avait parlé d'un rendez-vous qu'on devait donner à nos adhérents, à nos followers, à nos téléspectateurs. Alors, c'est les viewing parties, ça vous l'avez compris, je vais vous en parler encore un peu. Il y a le rendez-vous mercredi soir, il y aura le rendez-vous début janvier, donc n'oubliez pas nos petits rendez-vous. Mais non, c'est l'heure de vous révéler ce qui se cache derrière moi. Il y a un petit chapeau. Un petit chapeau, un petit bonnet de Noël, je peux le mettre ou pas? Il va tenir? Ouais, pas sûr qu'il tienne comme ça sur le casque. Bon, bref. Allez, on va le mettre comme ça. Voilà. En mode lutin de Noël, oui, parce alors, que vous le savez, c'est un calendrier des nudes de Joanie. Et ça, c'est pas donné. Donc, voilà, vraiment. Non, celui-là vaut très très cher et vous ne le trouvez que sur le dark web. Mais non, cette saison, on remet encore un petit cadeau pour Noël, pour le Christmas game. Vous vous rappelez qui sont ces deux joueurs? Jalen Brunson? Oh, Derrick Rose! Bah oui, lui était dans les votes All-Star il n'y a pas très longtemps. Et donc, on a un magnifique ouvrage de Kiss qui reprend l'histoire des Knicks et puis aussi un petit peu de la sap, de la fashion, tout ce qui va bien. Mais en plus, quoi d'autre? La petite serviette, parce qu'il faut faire tourner les serviettes. Et c'est du Kiss, c'est du collector. Tout ça, ça est à gagner pour Noël, le Christmas des games. Vous savez un petit peu comment on fait nos petits jeux concours sur KNFTV. Tout simplement, un pronostic. Qui gagne au match de Noël? Les Spurs, les Knicks? Et avec quel écart à la fin du match? 10 points, 12 points, un gros blowout? Au contraire, une victoire serrée? Si ça se passe en prolongation, vous pouvez l'indiquer si vous le pressentez. Mais en tout cas, indiquez-nous en commentaire de cette vidéo-ci, de l'épisode 108 de Avenix Week sur KNFTV, votre pronostic du match de Noël. On vous a donné nos pronostics, mais on ne vous a pas donné les cartes du match, on ne vous a pas donné la physionomie du match. On ne va pas vous influencer. À vous de vous faire votre propre pronostic. Il y a tout simplement ces petits objets collector. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Les petites serviettes pour festoyer et encourager les Knicks. Et puis, un petit peu de lecture avec des belles photos de l'histoire, de la fashion, Patrick Ewing, ah là là, notre ambassadeur, je sais pas si on le voit bien, on voit bien. Mais non, mais en tout cas, un bel ouvrage d'une... Combien de pages il y a là-dedans? Beaucoup. Et un poster à la fin avec Ewing. Pas trop vu au Garden, cette année, ils sont pas trop... 97 pages. On l'a pas trop vu... Qui c'est, Ewing? Ouais, on l'a vu sur quelques matchs, mais... Un petit peu, mais il travaille. Pas plus, il travaille dans l'ombre pour faire revenir Charles Oakley au Garden aussi. Donc alors, voilà, c'est... le jeu de Noël, le jeu concours. Donc ça sera sur cette vidéo. Vous avez bien entendu avant 18h le 25 décembre pour participer. Donc il n'y a pas tant de jours que ça pour pronostiquer. Voilà, tentez votre chance pour essayer de repartir avec un cadeau de plus. Alors il ne sera pas au pied du sapin parce que je ne me déplacerai pas personnellement pour vous le mettre au pied de votre sapin chez vous. Mais les jours qui vont suivre, je vous ferai le petit colis qui va bien pour récompenser les heureux gagnants de ce jeu concours. Voilà, c'est ainsi que va se terminer en compagnie de nos plus beaux deepfakes à réaliser avec l'IA de nos amis d'Enix et de la famille Nix qui est assez grande avec tous ces vieux pulls moches de Noël. Voilà, certains deepfakes sont très réalistes, d'autres un petit peu moins. Est-ce que vous connaissez tout cela? Action Bronson? Oui, parce qu'il y a un Bronson et un autre. Bref, Maria Carey avec une petite robe pour chanter aux louanges d'Enix. Patrick Ewing, Carmelo Anthony, Hall of Fame ou pas? Bah si, on en a parlé tout à l'heure. Fat Joe, Hall of Fame ou pas? Bref, OG Nobi. Bon, on ne ressemble pas trop. Bref, vous les avez reconnus. C'est ainsi en tout cas qu'on va vous rendre l'antenne et qu'on va vous remercier encore une fois de votre soutien, de nous accompagner chaque semaine pour passer ensemble, démarrer ensemble des très bonnes semaines d'Enix. On espère qu'il y en aura tout un tas d'autres. Chapi, merci de t'être joint à nous cette semaine exceptionnellement. Pas de bah, merci à vous pour l'invitation. Pas de Knicks Together cette semaine, c'est pour ça que t'es venu lundi. Mardi, t'as autre chose à faire et on peut le comprendre. On ne sera pas sur Space pour discuter des Knicks et faire des quiz. On aura l'occasion de remettre ça ensemble un petit peu plus avec tard. Avec Max Zlapowski, on n'aura pas l'occasion de parler de Max Zlapowski. Eh bien écoute Seb, tu ne pourras pas manquer cette occasion en repas de famille pour parler auprès... Tu peux compter sur moi, entre la poire et le chocolat, c'est ça qu'on dit? Entre le fromage et le dessert. Entre le fromage et le dessert, voilà, j'en perds mes citations. Je me bafouille. Mais en tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël, des excellentes fêtes de fin d'année. Bonne année, on aura l'occasion de vous souhaiter nos voeux, nos meilleurs voeux et la santé en janvier 2025, quand on sera retour pour l'épisode 109. On va vous souhaiter aussi tout un tas de beaux matchs d'Enix, profitez de beaux cadeaux. Et puis, n'oubliez pas le jeu concours pour cet épisode 108. N'oubliez pas la KNF Viewing Party de Noël le mercredi 25 décembre au Halls Tavern. Halls Beer Tavern, bref, vous avez tous les renseignements sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, dans les flyers, sur les bandeaux qui circulent à droite à gauche sur cette émission. Merci à toutes et à tous, joyeux Noël, oh, oh, oh. Et puis bah, rendez-vous bonne fête vite. De fin d'année à tous. J'ai deux voisins du dessous, ça fait bizarre. Ouais. Je suis haute. Moi je fais comme ça, moi. D'un étage. Moi je fais comme ça. Coucou. Voisins du dessous, au pluriel, bonne fête à vous. Kiffez bien l'Enix, doucement sur les chocolats. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures avec Nix Nation France et nos différents réseaux sociaux. Bonne semaine. Bonne Let's fête, go Nix. Bonnes vacances. Let's go Nix. Et à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. We'll be right back.